périmer ses larmes. Laisse tomber beauté, les soucis m'ont volé tout mon charme. Artiste, triste, expert dans l'art de fermer des gueules. Clasher en concert, mais silence studio et tout ça seul. Potentiel, bien entraîné à fond sur sa selle. Rappeur conscient des événements qui giflent vécu. La vie c'est dur, nourrir son fils sans même un écu. Travail, soucis, maison, j'ai pas opté pour ce rythme. Dès que les médisants, moi j'ai l'écriture de la street. Artiste, triste, c'est de la haine qui coule dans mes veines. J'écris mes peines avec mes gars ou seul sur la scène. Maîtrise en écriture de rue, j'fais même chaler le trottoir. Mes tristesses et mes larmes ont formé mon exutoire. Trop longtemps sous pression, j'ai atteint la date butoir. Rap hardcore, mon album taillé au silex. Artiste triste, sur mes cachets c'est signé Kleenex. J'collectionne les mouchoirs de poche puisque la vie est ainsi faite. Plus d'amour, plus de sentiments, j'accumule les défaites. J'rappe ma vie et vos tympans deviennent suicidaires. Poète de rue, ma seule utilité sur cette terre. Commanditaire de texte qui laisse souvent son commentaire. Comme on se taire quand ta jeune père s'est rappelé holostère. Le regard solitaire comme la plupart des mecs incarcérés, poignardés. J'ai souvent dit je t'aime, le cœur serré, la rage comme essence. Mon textuel nique la France, car pur à la déception. Moi ça me donne une force immense. Solitaire, car ici les esprits sont crades. Artiste triste, moi sous mes yeux c'est la cascade. Une gueule d'ange, équipée d'un pétard dans la panse. Réveil brutal, rage de tir et droit de réponse. Artiste triste, révolutionnaire, à ses heures perdu, la peur du l'entendement me pousse à être un jeune ardu. Les larmes sur ma feuille et ma voix sont multiplices. My tear on his pen, my word on his tracks. L'Ipsé 2004, c'est son terme d'artiste triste. L.F.L.N.C. for the vision of Jack. Les larmes sur la feuille et ma voix sont multiplices. My tear on his pen, my word on his tracks. L'Ipsé 2004, c'est son terme d'artiste triste. L.F.L.N.C. for the vision of Jack. The three of us, who's gonna bust first? Me, myself, and I, kinda thirsty. Knowledge on a brain, make a sinner wanna hurt me. Tupac and Biggie, all them niggas see me. I'm a struggle, a sufferer, I'm making niggas wanna fucking hear me. My words, my clothes, my pad, and my pen. I tear the start of verses, I begin. No more cocking your clocks, watching the blocks, doing your deals. Out on the hop, popping your pills, keeping it real. Selling your soul, letting them know that my don't be responsible. These are the things that make my ears ring like sirens. We need to unite and stop fighting. My God, we got the weak leading the rest. It ain't about east or west, but who be killing it? I'm making a mess and putting hands on a nigga's chest. My rhymes, my lyrics, I'm messaging.